Salut, je m'appelle Johanna. J'adore la gymnastique. Ça fait 5 mois que j'en fais et j'adore ça. Et j'aime pas la danse classique. Parce que c'est trop classique. C'est. Comment dire? C'est. Classique. Alors, tu n'as pas aimé le spectacle qu'on a été voir en début d'année 2025? Mais j'ai bien aimé, mais. Si moi je le fais, j'aime pas. Tu sais faire un salto arrière et avant? Je sais faire qu'un salto avant. C'est quoi ton agrès préféré? Ça veut dire quoi, agrès? Ben, poutre, barre, saut ou sol. Poutre, saut, sol et saut. Est-ce que t'as déjà fait des tours autour. Des tours autour des barres qui sont en hauteur? Oui. C'est où son régime? À Offlay. Au Bois du Loup, il donne des cours de tennis. Moi, Laure, j'y participe. Il y a aussi Martin. Oui, juste avant son cours, le samedi. Ça fait combien d'années que tu fais du tennis? Plus ou moins 2 ans et demi. C'est le tennis ton sport préféré? Non. C'est quoi ton sport préféré? La natation. Fais-tu des matchs? Non. Alors si tu fais du tennis, tu dois être forte? Oui. Tu fais des matchs ou pas? Non. Tu crois que tu pourrais battre Martin? Je crois pas.